la troupe indigène, organisée par Glenarvan, se composait de 3 hommes et d'un enfant. Le muletier-chef était un Anglais naturalisé. Cet Anglais n'avait pas tellement oublié sa langue maternelle. De là, une facilité pour la manifestation de ses volontés et l'exécution de ses ordres. Ce muletier-chef, ce capataz, était secondé par 2 péons indigènes et un enfant de 12 ans. L'enfant conduisait la madrina, petite jument qui, portant grelots et sonnettes, marchait en avant et entraînait 10 mules à sa suite. Les voyageurs en montaient 7, le capataz 1, les 2 autres, les vivres et quelques rouleaux d'étoffe comme futur cadeau. Les péons allaient à pied, suivant leurs habitudes. Il n'y a pas d'auberge sur cette route d'un océan à l'autre. Glenarvan, un homme qui sait voyager et se conformer aux usages des divers pays, avait adopté le costume chilien pour lui et les siens. Le poncho national, vaste tartan percé d'un trou à son centre et des bottes de cuir. On partit. Le temps était superbe. On marcha rapidement pendant cette première journée. Le signal d'halte fut donné à la ville d'Arauco, prise pour point de départ. De là, la route devait être tenue vers l'est, suivant une ligne rigoureusement droite. Le lendemain, à 8h, la petite troupe reprit à l'est la route du 37e parallèle. La chaîne des Andes se déroulait à l'horizon. À 4h du soir, on s'arrêta en pleine campagne. La journée suivante, on franchit, sans accident, le rapide de Bell et, le soir, on campa sur les bords du rio Biobío, qui sépare le Chili espagnol du Chili indépendant. Le pays était toujours fertile et riche en amaryllis, violettes arborescentes, fuchsia, daturas et cactus à fleurs d'or. Quelques animaux, entre autres l'ocelot, se tenaient tapis dans les fourrés. Un héron, une chouette solitaire, des griffes et des grèbes, fuyant les serres du faucon, représentaient seuls la race emplumée. Glenarvan se disait que le capitaine Grant, prisonnier des Indiens, devait avoir été entraîné par eux au-delà de la chaîne des Andes. Il fallait donc patienter, aller en avant, vite et toujours. Le 17, on repartit à l'heure habituelle. Le pays devint alors plus accidenté. Les rios se multipliaient. Le capataz, à 5h du soir, s'arrêta dans une gorge peu profonde, à quelques milles au-dessus de la petite vallée de Lora. Et cette nuit-là, les voyageurs campèrent au pied des Sierras, premiers échelons de la grande cordillère.